4. Prometteuse découverte. Dans cette forêt, la végétation était d'une beauté et d'une vigueur remarquables, et tout autour de nous s'élevaient des arbres plus curieux les uns que les autres. Fritz les regardait tous avec étonnement et me faisait remarquer, dans son admiration, tantôt leurs fruits, tantôt leur feuillage. Il arriva bientôt près d'un nouvel arbre plus extraordinaire que les autres et s'écria « Quel est donc cet arbre, mon père, dont les fruits sont attachés au tronc ? Au lieu de l'être aux branches, je vais en cueillir. » Je m'approchai, et je reconnus avec joie des calebassiers tout chargés de leurs fruits. Fritz, remarquant ce mouvement, me demanda si c'est bon à manger, et à quoi c'est utile. « Cet arbre, lui dis-je, est un des plus précieux que produisent ces climats, et les sauvages y trouvent en même temps leur nourriture et les ustensiles pour la faire cuire. Son fruit est assez estimé parmi eux, mais les Européens n'en font aucun cas. Ils en trouvent la chair fade et coriace, et la laisse pour se servir de l'écorce qui se façonne de mille manières. » Je lui expliquai comment les sauvages, en divisant cette écorce, savent en faire des assiettes, des cuillères et même des vases pour faire bouillir de l'eau. À ces mots, il m'arrêta et me demanda si cette écorce est incombustible pour résister à l'action du feu. « Non, lui répondis-je, mais les sauvages n'ont pas besoin de feu. Ils font rougir des cailloux et les jettent dans l'eau, que ce manège réchauffe bientôt jusqu'à l'ébullition. » Fritz me prit alors d'essayer de faire quelque ustensile pour sa mère. J'y consentis, et je lui demandai s'il portait de la ficelle sur lui pour partager les calebasses. Il me dit qu'il en avait un paquet dans sa gypsière, mais qu'il aimait mieux se servir de son couteau. « Essaye, lui dis-je, et voyons qui de nous deux réussira le mieux. » Fritz jeta bientôt loin de lui avec humeur la calebasse qu'il avait prise et qu'il avait entièrement gâtée parce que son couteau glissait à chaque instant sur cette écorce molle, tandis que je lui présentais de superbes assiettes que j'avais confectionnées pendant ce temps avec ma ficelle. Émerveillé de mon succès, il m'imita avec facilité, et après avoir rempli de sable notre porcelaine de nouvelle façon, nous l'abandonnâmes exposée au soleil pour la laisser durcir. Nous nous remîmes alors en marche, Fritz cherchant à façonner une cuillère avec une calebasse, et moi avec la coque de l'une des noix de coco que nous avions mangées. Mais je dois avouer que notre œuvre était encore loin d'égaler celle que j'avais vue au musée de la façon des sauvages. Tout en parlant et en marchant, nous ne cessions d'avoir l'œil au guet, mais tout était silencieux et tranquille autour de nous. Après 4 grandes heures de chemin, nous arrivâmes à un promontoire qui s'avançait au loin dans la mer et qui était formé par une colline assez élevée. Ce lieu nous parut le plus convenable comme observatoire, et nous commençâmes aussitôt à le gravir. Après bien des fatigues et des peines, nous atteignîmes le sommet, et la vue magnifique dont nous jouîmes nous dédommagea amplement. Nous étions au milieu d'une nature admirable de végétation et de couleurs. En examinant autour de nous avec une bonne longue vue, nous avions un spectacle encore plus admirable. D'un côté, c'était une immense baie, dont les rives se perdaient en gradins dans un horizon bleu, le long d'une mer calme et unie comme un miroir, où le soleil se jouait et scintillait et semblait appartenir au paradis terrestre. D'un autre côté, une campagne fertile, des forêts verdoyantes, de grasses prairies. Je soupirais à ce beau spectacle, car nous n'apercevions aucune trace de nos malheureux compagnons. « Que la volonté de Dieu soit faite !» m'écriai-je. « Nous aurions pu tous vivre ici sans peine. Il n'a permis qu'à nous d'y parvenir. Il a agi comme il lui convenait le mieux. » « La solitude ne me déplaît nullement, » répondit Fritz, « puisqu'elle est animée par la présence de mes chers parents et de mes frères. Les hommes des premiers temps ont vécu comme nous allons le faire. »« J'aime ta résignation, » lui répondis-je, « mais nous nous trouvons en ce moment rôtis par le soleil. Viens à l'ombre prendre notre repas et songeons à retourner vers nos bien-aimés. » Nous nous dirigeâmes vers un bois de palmiers qui couronnait le sommet de la colline. Avant d'y atteindre, nous eûmes à traverser une sorte de marécage hérissé de gros roseaux qui s'entrelaçaient souvent et nous barraient le passage. Nous avancions lentement et sans cesse sur nos gardes, sur ce sol brûlé, que je savais habiter de préférence par des animaux venimeux. Turc nous précédait en furetant partout pour nous avertir. Chemin faisant, je coupai un de ces roseaux au milieu desquels nous montions pour me servir d'appui en même temps que d'arme, et je remarquai qu'il en découlait un jus gluant qui me poissait les mains. Je le portai à mes lèvres, et je reconnus, à n'en pouvoir douter, que nous étions dans un champ de canne à sucre. Je m'abreuvai de cette délicieuse boisson qui me rafraîchit considérablement, et voulant laisser à mon bon Fritz, qui marchait devant sans se douter de rien, le plaisir de la découverte, je lui criai de couper un de ses roseaux pour s'en faire une canne. Il m'obéit, et comme il le brandissait en marchant, Il s'en dégagea une grande abondance de jus qui remplit sa main. Il la porta comme moi à sa bouche, et comprenant tout de suite ce que c'était, il me cria « Père, la canne à sucre, que c'est bon, que c'est excellent. Nous allons en rapporter à mes frères et à maman. » En même temps, il brisa plusieurs morceaux de la canne qu'il tenait pour mieux en extraire le jus. Je fus obligé de l'arrêter de peur qu'il ne se fît du mal. « Je veux apporter à ma mère des cannes à sucre » criait-il, et malgré le conseil que je lui donnais de ne pas se charger d'un fardeau trop lourd, il coupa une douzaine des plus grosses cannes, les réunit en un faisceau avec des feuilles et les plaça sous le bras. Cependant, nous ne tardâmes pas à atteindre le bois que nous avions aperçu et qui était composé en partie de palmiers. Nous étions à peine assis pour achever notre dîner qu'une troupe de singes, effrayés par notre arrivée et par les aboiements de Turcs, s'élancèrent en un moment à la cime des arbres, d'où ils nous firent les plus affreuses grimaces. Je remarquai alors que la plupart de ces palmiers portaient des noix de coco, et j'eus l'idée de forcer les singes à nous cueillir ce fruit. Je me levai et j'arrivai à temps pour empêcher Fritz de tirer un coup de fusil. « À quoi bon ? » lui dis-je. « Imite-moi plutôt et prends garde à ta tête, car ces animaux vont nous inonder de noix. » Je pris alors une pierre et je la jetai vers les singes. Quoiqu'elle atteignît à peine la moitié du palmier, elle suffit pour mettre en colère les malignes bêtes, et elles firent pleuvoir alors sur nous une telle quantité de noix que nous ne savions où nous mettre pour les éviter et que la terre en fut bientôt toute couverte. Fritz riait de bon cœur de ma ruse, et quand la pluie de noix eut un peu cessé, il se mit à les ramasser. Nous cherchâmes ensuite un petit endroit ombragé où nous nous assîmes, puis nous procédâmes à notre repas en mêlant de la crème de coco au jus de nos cannes, ce qui nous procura un manger délicieux. Nous abandonnâmes à Turc les restes de notre homard, ce qui ne l'empêcha pas de manger les amandes de coco et des cannes qu'il broyait entre ses dents. Quand nous eûmes fini, je lis ensemble quelques noix qui avaient conservé leur queue. Fritz ramassa son paquet de cannes et nous reprîmes notre chemin.